Chapitre 3e. Le lendemain matin, quand les membres de la famille Otis se retrouvèrent réunis pour le petit déjeuner, ils discutèrent longuement du fantôme. Le ministre des États-Unis était naturellement un peu dépité en constatant que son cadeau avait été dédaigné. « Je ne souhaite causer aucun mal à ce fantôme, » déclara-t-il, « et je dois dire que depuis le temps qu'il hante la maison, je pense qu'il n'est guère poli de lui lancer des oreillers. » Remarque très juste, qui, j'ai le regret de le dire, déclencha une crise d'hilarité chez les jumeaux. « D'autre part, » continua-t-il, « s'il refuse vraiment de se servir de lubrifiant indien, il faudra que nous lui enlevions ses chaînes. Il est tout à fait impossible de dormir avec ce raffut dans les couloirs. » Rien toutefois ne vint les troubler durant le reste de la semaine. Le seul détail qui attira leur attention fut la réapparition continuelle de la tache de sang sur le parquet de la bibliothèque. Ce phénomène était à coup sûr singulier puisque la porte était toujours fermée la nuit par M. Otis et les fenêtres soigneusement closes. Par ailleurs, la couleur de la tache de sang, qui changeait aussi souvent que celle d'un caméléon, suscitait des commentaires. Certains matins elle était terne, presque brunâtre, puis elle passait au vermillon, puis à une riche nuance pourpre, et une fois, alors qu'il descendait pour dire les prières familiales, selon les rites simples de la libre église réformée épiscopalienne américaine, ils la trouvèrent d'un vert émeraude éclatant. Ces changements kaléidoscopiques amusaient toute la famille, et les paris étaient ouverts chaque soir à ce sujet. La seule personne qui n'entrait pas dans le jeu était la petite Virginia qui, pour quelque raison inexpliquée, était toujours perturbée à la vue de la tache de sang et qui, le matin où elle vira au vert émeraude, faillit fondre en larmes. La seconde apparition du fantôme eut lieu un dimanche soir. Peu après être allés se coucher, les Otis furent subitement mis en alerte par un terrible fracas dans le hall. Ils se précipitèrent au bas des marches et constatèrent qu'une énorme armure ancienne s'était détachée de son socle pour s'éparpiller sur les dalles de pierre, tandis que le fantôme de Canterville, assis dans un fauteuil à haut dossier droit, se frictionnait les genoux avec une expression de douleur aiguë sur les traits. Les jumeaux, qui s'étaient munis de leur sarbacane, tirèrent immédiatement deux boulettes sur lui, avec cette précision qui ne peut être atteinte que grâce à une pratique assidue et prolongée sur la personne d'un maître d'école, tandis que le ministre des États-Unis, son revolver braqué sur l'intrus, lui intimait, selon l'étiquette californienne, l'ordre de lever les bras. Le fantôme se dressa avec un cri de rage aigu, il se précipita sur eux et les traversa comme un lambeau de brume, éteignant au passage la bougie de Washington Otis et les plongeant ainsi dans une obscurité totale. Parvenu au sommet de l'escalier, il se ressaisit et résolut de recourir à son célèbre éclat de rire satanique. Plus d'une fois, ce procédé lui avait été fort utile. C'était lui qui, disait-on, avait fait virer au gris en une seule nuit la perruque de Lord Draker, et qui avait certainement décidé trois des gouvernantes françaises de Lady Canterville à plier bagages bien avant la fin du mois. Il émit donc son ricanement le plus atroce, jusqu'à ce qu'il résonnât et se répercuta contre l'antique voûte de plafond, mais à peine le terrifiant écho s'était-il éteint, qu'une porte s'ouvrait, et que Madame Otis surgissait, vêtue d'une robe de chambre bleu pâle. « Je crains que vous ne soyez bien mal en point, » dit-elle. « Voici donc un flacon de l'élixir du docteur Dabel. S'il s'agit d'une indigestion, ce remède vous fera le plus grand bien. » Le fantôme, furieux, la foudroya du regard, et prit aussitôt ses dispositions pour se transformer en un énorme chien noir, opération pour laquelle il était justement renommé, et que le médecin de famille avait toujours jugé responsable de l'état d'idiotie permanent de l'oncle de Lord Canterville, l'honorable Thomas Horton. Un bruit de pas qui se rapprochait le fit toutefois hésiter, et il se contenta de devenir légèrement phosphorescent pour disparaître avec un grognement sépulcral à l'instant où les jumeaux le rejoignaient. Une fois dans sa chambre, il sombra dans le marasme et devint la proie d'une violente agitation. La vulgarité des jumeaux, le matérialisme grossier de Madame Otis étaient bien entendu odieux, mais ce qui le démoralisait le plus, c'était sa totale inaptitude à revêtir la côte de maille. Il avait espéré que même les Américains modernes vibreraient à la vue d'un spectre en armure, ne fût-ce à défaut de motifs plus sensés que par respect pour leur poète national, Longfellow, dont la poésie gracieuse et élégante lui avait allégé bien des heures de dépression pendant les séjours de Canterville à Londres. D'autant que c'était sa propre armure. Il l'avait glorieusement portée au tournoi de Kenilworth, et elle lui avait valu les plus vifs compliments de la Reine Vierge en personne. Et pourtant, quand il avait essayé de l'endosser, il avait été complètement écrasé par le poids de la cotte d'armes et du bassinet, et il était tombé lourdement sur le dallage de pierre, s'écorchant les genoux et s'éraflant les jointures de la main droite. Durant plusieurs jours après cette mésaventure, gravement malade, il ne sortit guère de son refuge, sinon pour assurer le bon entretien de la tache de sang. Cependant, à force de se prodiguer à lui-même des soins attentifs, il se rétablit et résolut de faire une troisième tentative pour effrayer le ministre des États-Unis et toute sa famille. Il choisit le vendredi 17 août pour apparaître et passa la plus grande partie de la journée à inspecter sa garde-robe. Finalement, il opta pour un vaste chapeau de feutre aux larges bords abattus orné d'une plume rouge, un linceul plissé au poignet et au col et une dague rouillée. Vers le soir, un violent orage éclata accompagné de trompes d'eau. Le vent soufflait avec une telle violence que toutes les portes et les fenêtres de la vieille demeure grinçaient et battaient à qui mieux mieux. En fait, c'était exactement le temps que le fantôme préférait. Son plan d'action était le suivant. Il allait pénétrer sans bruit dans la chambre de Washington Otis, l'abreuver d'invectives incompréhensibles et le poignarder trois fois à la gorge au son d'une musique lente. Il gardait une dent particulière contre Washington, n'ignorant pas que c'était lui qui effaçait chaque jour la tache de sang avec le super détersif Pinkerton. Après avoir plongé ce godelureau sans cervelle dans un état de terreur abjecte, il se rendrait dans la chambre occupée par le ministre des États-Unis et sa femme et poserait une main glaciale et visqueuse sur le front de Madame Otis, tout en chuchotant d'une voix sifflante à l'oreille de son mari les terribles secrets du caveau de famille. Vis-à-vis de la petite Virginia, il n'avait pas encore arrêté de décision. Jamais elle ne l'avait insultée, et elle était jolie et gentille. Quelques gémissements lugubres du fond de l'armoire, se dit-il, seraient plus que suffisants pour la réveiller. Sinon, il pourrait tirailler sur son édredon à petits coups saccadés. Quant aux jumeaux, il était bien résolu à leur donner une leçon. La première chose à faire était de s'asseoir sur leur poitrine pour leur faire éprouver une sensation d'étouffement cauchemardesque. Ensuite, comme leur lit était tout proche l'un de l'autre, de se tenir entre eux sous la forme d'un cadavre vert et glacé, jusqu'à ce qu'ils soient paralysés de peur, enfin de rejeter son linceul et tourner lentement autour de la pièce avec ses os blanchis et un œil roulant au creux de l'orbite dans le rôle de Daniel Lemuet ou le squelette du suicidé, rôle dans lequel il avait plus d'une fois fait un effet spectaculaire et qu'il considérait comme égal à celui de Martin le démon ou le mystère masqué. À 10h30, il entendit la famille qui montait se coucher. Pendant un moment, il fut dérouté par les hurlements de rires aigus des jumeaux qui, avec leur insouciante gaieté d'écolier, batifolaient avant de se mettre au lit, mais à 11h15, tout était calme, et lorsque minuit sonna, il s'élança. Le hibou se mit à voleter au carreau, le corbeau à croasser en haut du vieil if, et le vent à gémir et à se lamenter autour de la maison comme une âme perdue. Mais les membres de la famille Otis dormaient, inconscients de leur destin, et très haut, par-dessus la pluie et les rugissements de la tempête, le fantôme entendit les ronflements sonores du ministre des États-Unis. Il émergea sans bruit des boiseries avec un sourire mauvais sur ses lèvres cruelles, et la lune se voila la face derrière un nuage, comme il se glissait devant la grande fenêtre en encorbellement, où étaient blasonnées en azur et or ses armes et celles de sa femme assassinée. Il continua à se faufiler comme une ombre maléfique, et l'obscurité même semblait prise de répulsion à son passage. À un moment, il crut entendre un appel et s'immobilisa, mais ce n'était que l'aboiement d'un chien de la ferme rouge. Il se remit en marche, marmonnant d'étranges blasphèmes du XVIe siècle et brandissant de temps à autre sa dague rouillée. Enfin, il parvint à l'angle du couloir qui menait à la chambre de l'infortuné Washington. Un instant, il s'y arrêta, tandis que le vent faisait volter ses longues mèches grises autour de sa tête et tordait en plis bizarres l'horreur sans nom de son linceul funèbre. Puis, la pendule sonna le quart et il jugea que le moment était venu. Avec un petit rire sarcastique, il tourna le coin. Mais à peine l'avait-il fait qu'il vacilla en arrière avec un pitoyable cri de terreur et cacha son visage livide derrière ses longues mains osseuses. Droit devant lui se dressait un horrible spectre, immobile tel une statue, aussi hideux que le cauchemar d'un fou. Son crâne était chauve et poli, son visage rond, gras et blanc. Un rire atroce semblait s'être figé à jamais sur ses traits grimaçants. Les yeux projetaient des rayons de lumière sanglante, la bouche était un large puits de feu, et un affreux vêtement, semblable au sien, drapait de ses plis neigeux sa silhouette de titan. Sur sa poitrine, une pancarte portait des mots écrits en caractères archaïques. Quelque attestation ignominieuse, semblait-il, quelque liste de péchés atroces, quelque funeste éphéméride du crime, et dans sa main droite, il brandissait une large épée d'acier luisant. N'ayant jamais vu de fantôme, il fut naturellement terrifié, et après un deuxième coup d'œil furtif à l'horrible question, il se sauva jusqu'à sa chambre, trébuchant dans les plis de son suaire, et lâchant dans sa course sa dague dans les hautes bottes du ministre où elle fut retrouvée au matin par le maître d'hôtel. Une fois en sûreté dans son refuge, il se jeta sur son étroite paillasse et rabattit son voile blanc sur sa tête. Au bout d'un moment toutefois, la vieille tradition de vaillance chevaleresque des Canterville reprit le dessus et il résolut d'aller trouver l'autre fantôme dès qu'il ferait jour. Ainsi, à peine les lueurs argentées de l'aube avaient-elles effleuré les collines, qu'il retournait vers ce lieu où l'abominable spectre lui était apparu, tout en songeant qu'après tout, deux fantômes valaient mieux qu'un, et qu'avec l'aide de son nouvel ami, il pourrait plus sûrement s'en prendre aux jumeaux. Mais, comme il atteignait l'angle du couloir, une angoissante vision frappa son regard. Il était de toute évidence arrivé quelque chose au spectre, car la lumière était totalement éteinte dans ses yeux caves, le glaive luisant lui était tombé des mains, et il était adossé de guingois au mur dans une position insolite. Il se ruait en avant pour ceinturer son adversaire, quand il vit la tête de celui-ci tomber et rouler par terre, tandis que le corps s'affaissait, et il se retrouva cramponné à une courtine de basin blanc, avec un balai, un couperet de cuisine et un gros navet creux gisant à ses pieds. Incapable de comprendre cette singulière métamorphose, il empoigna la pancarte avec une hâte fébrile, et à la lumière grisâtre du matin, il lut ces mots. Le fantôme Otis, unique modèle déposé, garanti d'origine, méfiez-vous des contrefaçons. En un éclair, il comprit tout. Il avait été joué, trompé, dupé. Alors la vieille intrépidité des Canterville brilla dans son regard. Il grinça de ses gencives édentées, et levant ses mains ridées très haut au-dessus de sa tête, il jura, selon la pittoresque phraséologie de la vieille école, que lorsque Chantelaire aurait allègrement sonné du cor par deux fois, des crimes de sang seraient perpétrés et le meurtre, à pas silencieux, se mettrait en marche. À peine avait-il achevé ce terrible serment qu'un coq chanta sur le toit de tuiles rouges d'une ferme lointaine. Il laissa échapper un long rire étouffé chargé d'amertume et attendit. Heure après heure, il l'attendit, mais le coq, pour quelque raison étrange, ne rechanta pas. Enfin, à 7h30, l'arrivée des femmes de chambre l'obligea à abandonner sa veille, et il regagna dignement son refuge, ruminant ses espérances déçues et ses objectifs manqués. Puis, il entreprit de consulter divers ouvrages de chevalerie antique, ses lectures de prédilection, et découvrit que chaque fois qu'il avait été invoqué par serment, Chanteclerc avait toujours chanté une seconde fois. « La peste étouffe cette maudite volaille » marmonna-t-il. « Il fut un temps où de mon fidèle épieu je lui aurais transpercé le bréchet et fait chanter pour moi seul jusqu'à ce que mort s'en suive. » Sur quoi, il alla s'allonger dans son douillet cercueil de plomb et y demeura jusqu'au soir.